Ah oui. Et après, là, vu que j'ai grandi, vu que j'avais un travail, bah, j'avais de quoi m'acheter. Du coup, c'est parti en vrille. Et là, tu sens que ça va mieux là? Là, je vais beaucoup mieux. Là, j'attends ma clinique. Là, j'attends ma clinique et Ouais. tout va mieux aller pour moi. Bah oui, espérons. La connexion aussi, elle est un peu instable, mais on va pour l'instant ça marche bien. Moi, Mais je trouve sinon, on qu'on est va bien revenir. entre nous, hein. On est aussi bien entre nous. Oui. Mais là, tu vas rester le temps de sevrage ici. Ouais, je suis là pour le temps de mon sevrage et à la clinique, je vais avoir une psychothérapie qui va, je pense que ça va beaucoup m'aider. Je vais voir des personnes qui sont dans le même cas que moi. Je vais avoir des histoires différentes et je pense Ouais. que c'est le bon moment pour moi. Eh oui. Et après, comment tu vas faire sans addiction? Oh, tu vas voir. Je vais me débrouiller. Je suis assez fort. Là, je suis un adulte, j'ai 19 ans, donc. Ouais. Et tu penses que. Tu disais tout à l'heure que tu cherchais un objet perdu à l'intérieur de toi. Bah, je pense que c'est le manque de mon père que je cherche. Ah L'affection que j'ai pas eue de mon père, je pense. ouais. Ça, je pourrais en parler avec mon psychothérapeute dès que j'en aurai un. Ah oui. Ouais. Parce qu'il est parti trop tôt, ton père. Ouais, il est parti trop tôt. Ouais. Voilà, donc peut-être, oui, tu as raison, tu cherches un Je manque pense que affectif. on est tous addicts à quelque chose, on va dire. Je suis addict à ça, à la religion, on va dire. Ouais. Même ça, c'est pas bon d'en faire trop. Je suis addict à ça aussi, c'est la cigarette électronique, mais si t'en fumes trop, tu détruis les poumons. J'ai jamais vu ça, je connais pas du tout. Ça, c'est des cigarettes électroniques rechargeables. Tu les achètes directement comme Ouais. ça. Connais pas. Ok, on est calme aujourd'hui, hein, mais on va s'en On est venir. très peu, on est très peu, je trouve. On n'est pas assez nombreux, tu as raison. J'aurais bien aimé qu'on soit plusieurs, j'aurais bien aimé avoir plusieurs avis. Mais là déjà, ouais, à Vincent Black Bonsoir, déjà. madame, vous voulez 150 euros? Pardon? Quoi? Madame, vous voulez 150 euros? Ah non. Tu veux quoi, 50 euros de quoi? Il veut de la monnaie de 50 Ah. euros sur 50 euros. Non, pas ici, hein. Désolé. Mais On doit pas être beaucoup à avoir des billets de 50 euros, hein. Mais reste. Avec 50 balles, normal. Ok, donc on va faire un. Toutoulou, j'essaye de faire parce que la connexion elle est trop instable. Donc on va essayer On peut essayer sans connexion aussi, Si, si, non, mais pour s'entraîner. on le fait, ça On avance. passe sur Internet, là. Là, ça passe sur Internet, mais ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. D'accord. Oui. Donc je suis en train d'enregistrer. Alors moi, c'est ma première fois sur une radio, hein, si vous voulez savoir. Oui. Bon, c'est cool. Je trouve ça incroyable, hein. C'est très cool. Surtout de parler, de débattre. Et tu voulais parler, tu avais plein de sujets dans ta tête aujourd'hui. Tu voulais parler quoi déjà? De la guerre en Ukraine. Oui. Alors vas-y. Enfin, des crimes de guerre qu'ils font, les crimes de guerre qui se font entre les deux camps. Je trouve Ouais. ça irrespectueux. Normalement, ça doit être entre soldats et soldats. On ne doit pas tuer les femmes, on ne doit pas tuer les enfants, on Ouais. ne doit pas bombarder des villes. Je trouve ça apeurant. Ouais. Ouais. Ouais. Et comment tu penses qu'on pourrait arrêter cette guerre? Est-ce que tu as une idée? Sincèrement, c'est pas en envoyant des munitions, en envoyant des missiles à l'Ukraine que ça va changer quelque chose. Ouais. Je pense qu'il faut que les deux camps se mettent et qu'ils parlent ensemble. Qu'ils débattent, pas qu'ils fassent la guerre, qu'ils débattent directement. Il faut qu'ils arrêtent cette mascarade. On est quand même des humains, on a un cerveau, on est tous très intelligents, donc je pense qu'ils peuvent débattre sur ça. Mais bon, je pense que l'argent a pris le dessus sur cette guerre. Ah oui. L'argent et le pouvoir. On parlait tout à l'heure de vaccins aussi. Et là, tu sais, dès que l'argent est dedans, parce qu'ils se sont mis à contrôler tous ces types de. Tu vois, par exemple, la France aujourd'hui, la principale entrée d'argent, c'est la vente d'armement. Donc, comment, si une guerre s'arrête, économiquement, comment ils vont tenir le pays, tu vois? Ça fait mal l'inflation qu'il y a en France surtout. Ouais. Le prix des aliments, c'est incroyable. Ouais. Franchement, on doit faire des économies pour manger. Sincèrement, on est en France quand même. Je trouve Ouais. ça grave. Le prix de l'essence, je trouve ça apeurant. Ah non, mais c'est pire en pire, très cher. Parce qu'il met tout l'argent dans l'armée, ils envoient des missiles à l'Ukraine. Nous, on finit avec quoi après? C'est bien beau d'aider, mais on n'aide pas en envoyant des missiles. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Mais c'est comme si personne voulait la paix, en fait, finalement. Oui, ils veulent tous continuer, c'est n'importe quoi. C'est comme en Palestine et Israël. Ouais. Vas-y, Vincent, bienvenue, Vincent. Prends un micro là. Non, il y a un micro juste devant lui. Ah oui. Voilà. Ça, Vincent, raconte-nous, tu viens de l'Inde? Non, non. Ah non, t'es pas encore parti. Non, je vais partir le 21, mais en fait, je vais partir le... Ouais. Normalement, je vais partir le 21 en Inde. Oui. Mais en fait, à la mairie, ils m'ont convoqué pour savoir si j'allais... pour avoir des renseignements sur le mariage. Et en fait, je vais reporter mon billet, en fait. Normalement, je vais partir le 21. Oui. Et je vais partir le 30, alors, peut-être. Ah, tu vas partir un peu plus tard. Je peux te poser une question ? Ouais. Il se passe comment, le mariage indien ? Bah, ça se passe... Bah, vous avez des traditions? Oui, la tradition, oui. C'est quoi la tradition? On se marie avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est les parents qui choisissent, en fait. C'est les parents qui choisissent? Et t'es obligé? Non, je suis pas obligé. Hein. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'obligation. Mais dans ma famille, ça s'est toujours bien passé, en fait, quoi. Ah bah, c'est super. Dans ma famille, c'est toujours bien passé, quoi. Ouais. J'aimerais aussi parler des religions, si c'est possible. Mm-hmm. Il y a certaines personnes qui sont plutôt pour Darwin. Il y a certaines personnes qui se croient en l'islam, d'autres orthodoxes. Mais à la fin du compte, je pense qu'on prie tous les mêmes dieux, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez, Fanata, Fatoumata? Tu ne penses rien? Tu peux nous faire un réseau musical comme ça? Tu penses avec la musique? Toi, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Non? Il n'y a personne qui veut parler de religion. Si, on peut parler de religion. Hein. Moi, je crois en toutes les religions, par exemple. Ah, vous croyez en tout? À toutes les religions. Bah, au moins, on croit tous en même. On est tous dans le même délire. Hein. On est tous dans le même Dieu. Mais moi, je crois, tu vois, comme Ganesh, je crois en. Shiva. Hindou, Shiva. Je crois aussi au taoïsme, je crois aussi au Bouddha, je crois en Allah, je crois en Yahvé, Elohim, ils sont tous. Je suppose que. Moi, c'est tout à fait l'inverse. Je crois à aucune religion. Chacun vit sa vie, chacun choisit. Mais moi, j'ai pas du tout de bon Dieu. Pour quelle raison, c'est votre famille ? Pour quelle raison, c'est que il y a eu un problème dans la famille. On a perdu des gens très très jeunes. On a perdu des enfants à 2 ans, on a perdu... Ma mère a perdu son oncle, il avait à peine 20 ans. On a perdu des très très jeunes et on se dit qu'il n'y a pas de bon Dieu. Ah, la malchance. Moi, voilà. Je pense que c'est des preuves que Dieu nous donne. Et c'est des épreuves qu'on peut supporter, on a le poids, on peut les supporter. C'est pour ça qu'il nous les donne, pour qu'on devienne encore plus fort. Ça... Ça rend plus fort. La petite de 2 ans a détruit beaucoup, beaucoup la famille. Oui, c'est vrai. On a tous été en dépression. Chez nous, en Roumanie, on dit que si un truc qui se passe mal chez toi, c'est que tes arrière-arrière-grands-parents, bah, ils ont fait des choses atroces. Et c'est pour ça que nous, on paye les péchés de ceux d'avant. C'est ce qu'on dit en Roumanie. Oui. Chez nous, les Roumains, c'est une tradition. On appelle ça les karmas, non ? Le karma, on va dire en quelque sorte. Le karma, c'est chez les hindous, en fait. Le karma, en fait, c'est quand soit on a un bon karma, soit on a un mauvais karma, en fait. Ouais. Et après, on peut avoir un mauvais karma au début, ouais. Et après, qui peut se transformer en mauvais karma. Ou un mauvais karma au début, qui peut se transformer en bon karma, quoi. Et en fait, la réincarnation, c'est qu'il y a des gens, moi j'y crois, il y a des gens, en fait, quand ils rêvent, ou quand ils sont, je sais pas, ils ont leur vie future et leur vie antérieure dans leur psychisme, en fait, quoi. Moi, j'y crois, ça, quoi. Et en fait, il y a les trucs qui font que moi, je crois grave en Dieu, parce qu'en fait, il y a dans les 5 grandes religions, en fait, ils disent la même chose, en fait. Et en fait, ils disent que les derniers sont les premiers, en fait. C'est-à-dire les SDF, les gens qui sont schizophrènes, qui sont à la rue et tout, ils vont être les premiers, en fait, dans les 5 religions. C'est mon père qui m'a expliqué ça. Même chez les hindous, même chez les bouddhistes et tout, quoi. Les derniers vont être les premiers, ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça se vérifie parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui étaient les derniers. J'en ai vu de mes yeux. Hein. C'était les derniers, et maintenant c'est les premiers maintenant quoi. Oui. Mais c'est pas la majorité quoi. Mais après, je parle des religions avec les gens et en fait, ça tout se rejoint quoi, je trouve quoi. Oui. Ça tout revient à une religion monothéiste, à croire en un seul dieu. Voilà. Mais après, chez les hindous, je ne m'y connais pas trop. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça se passe avec vous, Shiva, tout ça ? Ça m'a l'air intéressant. Bah en fait, Shiva, c'est le dieu des hindous. C'est le père à Ganesh, en fait, Shiva. Ah oui. Télépère avait beaucoup d'yeux, Shiva. C'est qui Ganesh? Je ne m'y connais pas. Ganesh, en fait, c'est le dieu le plus vénéré d'Inde, en fait. C'est un éléphant. C'est l'éléphant, là. Vous avez un grand temple en or, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais. Ah, c'est bon, je vois c'est lequel. Ouais. Mais malheureusement, il est fermé, il n'y a personne qui peut y accéder, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui peut y accéder. En fait, c'est le dieu du savoir, de l'intelligence, de l'éducation, de la prudence et de... Attends, le cinquième, c'était quoi? C'était... De l'art, sinon, et de la, c'est du artiste, et de la Jura. Non, attendez. L'éducation, le savoir, l'intelligence, la prudence. Il y avait un cinquième que j'ai oublié, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est très intéressant. Mais une fête à Ganesh, le premier week-end de septembre. Il y a un temple à Ganesh à Paris. Ils font un défilé Ganesh dans tout Paris. Et ils donnent à manger gratuitement aux gens. Tu es allé? Mais moi, je suis catholique, hein, moi. Moi, je suis catholique, hein. Tu es les deux? Je suis catholique. Moi, je suis orthodoxe. Ah, d'accord. Ça revient à la même. Ah, c'est juste, ça a été notre religion chez les chrétiens, elle a été dans tous les sens. Ah. Elle a été divisée en cinq. Ah, protestants, orthodoxes, tout ça, ça a été mélangé, on n'y comprend plus rien. Ah, d'accord. Et bon, la religion catholique, elle reste quand même la première. Très présente. Quoi. Très présente, la religion musulmane. Ah, oui. Moi, je suis les trois. Toi, tu crois en quoi, Fofanata? Prends le micro, là, attends. Ouais, tu peux monter. Ouais, après, tu peux le remettre quand tu veux. Voilà, vas-y. Je crois à Allah. Allah? Oui. On dit Ali aussi, non? Allah, Ali. Allah. Ah, je sais pas. On dit Yarabbi. Voilà. Yarabbi. Yarabbi. Quand on veut lui demander quelque chose. Oui. Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali. Ah ouais. Le cinquième, c'est la sagesse. C'est ça. Voilà. C'est l'éducation, l'intelligence, le savoir, la prudence et la sagesse. Ouais. Ça va, Ganesh, ça me convient. Hein. Et puis, c'est un éléphant avec un petit souris à côté, ça. Voilà. On représente ça avec un petit souris. Elle a plusieurs bras, Shiva. C'est... Non, en fait, Shiva, c'est pas qu'il a plusieurs bras. C'est qu'en fait, c'est des gars qui savaient faire beaucoup de choses, en fait, quoi. Lui, en fait, il savait faire énormément de choses, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça, quoi. Et aussi, j'ai une question. Souvent, dans les magasins indiens, on va dire, les magasins qui sont en France indiens, il y a une photo avec un diable, on va dire. C'est un truc protégé. Comment on appelle ça? Ça veut dire quoi? Je ne connais pas. En fait, je ne connaissais rien du tout de la religion hindoue avant d'être allé, avant d'être en Inde pendant 2 ans. Là, il y a 2 ans, je connaissais. Avant, je ne connaissais rien du tout, quoi. Il y a un truc de protection avec un diable. Si tu voles, tu as là une malédiction ou quelque chose. Peut-être. Quelque chose comme ça. Mais ils croient en des millions de dieux. Hein. Des millions de dieux? De l'argent, de ça. Oui. Le dieu du sable? Le dieu de ça. D'accord, c'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, en Inde, si tu crois en rien, t'es bizarre pour les gens, quoi. Il faut croire en quelque chose, quoi. Même si tu crois en Darwin, t'es en droit comme bizarre. Darwin, c'est une croyance. Micro. Darwin, c'est une croyance, hein. Oui. La science, c'est une croyance, hein. Il y a beaucoup de gens qui croient à la science comme une religion, hein. Tu vois, mais ça mais bon, moi je suis pour les trois religions monothéistes, le judaïsme, les musulmans et les chrétiens. Ça restera quand même la base de toutes les religions, je pense. Bah, tu sais qu'il y avait au 12e siècle, il y avait un poète qui s'appelait Ramon Djoul, il disait qu'il fallait assembler les trois religions monothéistes en une seule. Donc il a fait trois. Bonjour. Steve. Bonjour Steve. Bonjour Steve. C'est trois, fallait faire trois. Ça dans combien de temps? Je rentre de bonne gueule. Trois rayons, trois cercles concentriques, quoi. Bienvenue, Steve, c'est toi, là, on va te donner un micro. Pas de café, Martin? Je sais pas, il faut que tu regardes. Café encore, tu peux t'en servir. Ah, merci. Donc voilà, mais là, les problèmes, on a des gros problèmes de connexion. On va mettre une petite chanson pendant qu'on continue la musique. La musique. Ah, mais ça marche même pas la musique, là, tu vois. Aujourd'hui, on est très mauvais en connexion, je ne sais pas pourquoi. C'était, je pense que c'est là. Voilà, on y va. Thank you. Eh oui, oui, trop de guerres dans la planète. Hein. C'est Bob Marley qui parlait de ça. Qu'est-ce que vous pensez, hein, Isabelle ? Ah, moi, je l'adore. Et j'ai vu un documentaire en oui. rentrant de vacances. C'était lundi soir sur ses stars à la télé. Oui. Il y avait tout un documentaire sur lui. J'ai appris plein de choses. Oui. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était un enfant maltraité dans son enfance. Ah oui. Ouais. Donc. Enfermé dans le noir, machin et tout. Et par contre, il le considère comme un prophète. Et le reggae, en fait, quand tu fais partie du reggae, là, je sais pas quoi, ouais. tu as les dreadlocks, là, comme ça qu'on dit, les cheveux. Dreadlocks. Voilà, voilà. Alors, tu ne te coupes pas les cheveux, ouais. tu ne te les laves pas, donc ça crée ce truc. Tu fumes du cannabis ouais. et tu ne bois pas du tout d'alcool. Ouais, ouais. C'est un mode de vie. Voilà. Moi, je pense que ce mode de vie, il est pas très bon, hein, parce que certaines personnes, en fumant du cannabis, ils deviennent schizophrènes ou ils tombent dans d'autres maladies. Ouais, c'est ce qu'on a découvert, surtout avec les jeunes qui pètent un câble vers 19 ans, quoi. Oui, c'est 19, 20 ans. C'est très, très grave. Maintenant, les substances qui sont vendues dans la rue, on ne sait même plus ce que c'est. Absolument. On ne sait même plus ce qu'il y a dedans. J'ai entendu dire du cannabis coupé avec de la cocaïne. Ça fait très peur. On ne sait même plus ce qu'on consomme. Ah oui, oui. Ouais. Maintenant, dans la rue, ils nous vendent la mort sans pitié. Eh oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous chanter un petit peu, Vincent ? Tu es en forme, là ? C'est bon ? Une fois que tu récupères, tu prends encore un café et après tu vas. Tu es un peu. Ça, j'ai l'impression que ton voyage, ça t'inquiète quand même. C'est vrai. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. T'en prends un micro comme ça, on peut discuter. Parce que non, pas tant que ça. Tu pars combien de temps ? Deux mois ? Deux mois. D'accord. C'est magnifique. Ouais, profite bien. Hein. C'est super beau, l'Inde. Ouais. J'ai été ? Non, j'aimerais bien y aller un jour. C'est ouais. magnifique. Tu nous amènes, tu peux nous laisser des messages, hein ? Le numéro de la radio, là. On a une ex-infirmière de l'accueil qui est là-bas. Ah, d'accord. Cécile. Je peux pas dire son nom de famille. Bah. Cécile, une infirmière de l'accueil. Tu t'en rappelles pas ? Elle est partie il y a quoi ? 2-3 ans ? Elle est en retraite, là ? Non, pas du tout. Elle a quitté l'accueil pour aller dans un autre hôpital. D'un autre hôpital, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'elle a fait le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Et après, là, c'est la troisième fois qu'elle est en Inde. Ah, elle est en vacances. Oui, oui. Ah, je ne vois pas c'est qui. Alors, ce n'est pas tout à fait des vacances parce qu'elle se trouve du boulot et puis elle y reste... Il reste un peu plus qu'un mois, hein, un peu plus qu'un mois. Eh oui. Une blonde qui se portait un petit peu bien. La prochaine fois, j'aimerais. La prochaine fois, j'aimerais bien qu'on parle du sport. Ouais, là, c'est justement les chroniqueurs de sport. C'est Jason qui vient. Prends le micro. Ça me dit rien, ça. Vincent, prends le micro parce que comme ça, sinon, on n'entend plus rien. Comme ça, tout le monde peut écouter. Cécile, ça me dit quelque chose. Hein, ça me dit quelque chose. Ouais. Bon, tu parlais de sport, là. Il y a les chroniqueurs de sport qui viennent d'arriver, là, Jason. Et attends, je ne sais pas si tu arrives, le micro. Ils sont là. Oui. Tiens, Jason. Non, il est court aussi. On a plus de... Il faut des câbles. Bonjour. Je vais vous parler de pronostic des quarts de finale et demi-finale. Voilà. De quel sport ? Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Premier quart de finale. Bah, c'est pas Australie-Angleterre ? Non, là je parle. Ça c'était la demi-finale. Là je parle des quarts de finale en premier. Ah oui, d'accord. Premier quart de finale le 11 août. Un but, un penalty à la 81e minute, but de Mariona, égalisation dans le temps additionnel des Pays-Bas, Van de Graat, et au bout de la seconde prolongation, au bout des prolongations, il ne s'est rien passé en première prolongation, mais en deuxième prolongation, Salma marque le but de la victoire pour l'Espagne à la 111e minute. Score final 2-1. Wow. Deuxième quart de finale, Japon-Suède. À Eden Park. But de... Comment on dit ça? Liest à la 32e minute pour la Suède. 1-0 à la mi-temps. Deuxième but penalty pour la Suède. But de Angel Dahl à la 51e minute. Et pour finir, un but d'honneur pour le Japon à la 87e minute, but de Hayashi. Troisième quart de finale, ça c'est Australie-France. 0-0. Mince. Zéro. Prolongation, rien, il n'y a rien eu. Il y a eu un but refusé de Wendy Renard. Oui, par la VAR. Et 7-6, la dernière but. La dernière française a fait poteau, et ce qui a permis à la gardienne Lévesque de France, elle a failli arrêter le dernier tir de l'Australie. Et finalement, il y a eu but, 7-6 pour l'Australie. Et dernier quart de finale. Angleterre-Colombie. But à la 44e minute de Alexis Santos. Il croyait rentrer à la mi-temps 1-0, mais égalisation de Emp au 45 plus 6 à 1-1 à la mi-temps. Et c'est Rousseau qui donne la victoire aux Anglaises à la 63e minute. Score de 1. Maintenant les demi-finales. Espagne-Suède, c'était hier. But de Salma à la 81e minute. Égalisation de la Suède à la 80e minute. But de Blomqvist. Et Olga, la capitaine, à la 89e minute. Qui qualifie l'Espagne pour la première fois de leur histoire en finale. Et la deuxième demi-finale, c'était aujourd'hui il y a quelques heures, Australie-Angleterre. But à la 36e minute de Tone, 1-0 à la mi-temps, but et l'égalisation de Sam Kerr, la star australienne, à la 63e minute. But de Emp à la 71e minute qui reprend l'avantage. Et Rousseau qui fait le break à la 86e minute. 3-1. Match pour la troisième place, samedi 19 à 10h. Suède-Australie. Et ça va se jouer à Suncorp Stadium. C'est où Suncorp Stadium? En Australie? Ce sera samedi à 10h. Et la finale, dimanche, à 20h sur France 2, à 11h50. Espagne-Angleterre. Oui, c'est Espagne-Angleterre. Parce que l'Espagne a gagné la première demi-finale, c'est Espagne-Suède. Et la deuxième demi-finale, Australie-Angleterre. Et ça va jouer. J'attends que ça charge. Donc la finale, c'est C'est Espagne-Angleterre. Oui, à 11h50 sur France 2. Ah ouais, c'est ça. Va plutôt nous prendre un truc à boire. C'est quoi ton pronostic? Ah, pour la finale? Ouais. Bah, je vois l'Espagne gagner. De combien? Je peux pas dire le score. Très relou. J'irai 2-1 pour l'Espagne. Ou ça va jouer à la prolongation. Alors moi je dis l'inverse, d'accord? L'Angleterre? Je vais le noter. Moi je vais dire Angleterre 2-1. Et toi tu dis Espagne 2-1. Oui. On en reparlera mercredi prochain. Oui, d'accord. Je sais pas, ça va jouer où? Espagne, Angleterre. Je charge pas, c'est le réseau. Pour 36% probabilité de victoire pour l'Espagne et 34% Angleterre. Ah ouais. Et 30% pour la prolongation. Et ça va jouer. Tu peux chercher à Accor Stadium? Ça ne me plaît pas. Ah, je peux pas venir demain. Hein. C'est ma référente infirmière à la Gino. Auréa. Auréa? Ouais, Auréa. Non. Elle a dit que je peux pas venir. À la radio? Ouais, à la radio demain. Tu viens quand même? Bah, elle est là à 9h demain. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie à tous. Ah, ça va jouer à je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alberton, salut. Merci Alberton. Merci Alberton, bienvenue quand tu veux à la radio Métanoïa. Merci. La finale va se jouer au stade à Parc Olympique à Sydney, Australie. Bon. Attends, j'ai pas fini le troisième. Il faut que tu prépares tout ça en avance. Je vais voir ça à jouer au stade Australie. Ça va jouer Stade Hamilton, Australie à 10h. Qui va gagner la médaille de bronze, je sais. Si, c'était la colonne de sport de Jason. Merci Jason pour nous amener à chaque semaine cette colonne. Et est-ce qu'en Inde il y a du football? Là-bas, c'est pas comme ici. En fait, ici, il y a beaucoup de gens qui rêvent beaucoup. En fait, alors là-bas, ils rêvent moins. Là-bas, enfin, ils veulent tous faire des études et c'est tout quoi. Il y a pas de terrain de basket. Il y a personne. En Inde, il y a beaucoup de gens qui veulent être riches ici. Alors que là-bas, non. En fait, là-bas. En Inde. Ouais, en Inde, ils veulent pas devenir riches. Ils aiment pas les riches là-bas. C'est comme ça. Super Coupe de l'UEFA finale pour les hommes. Manchester City contre Séville. Et c'est aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. C'est sur quelle chaîne ? Je sais pas, je crois que c'est sur une chaîne payante, Winsport. Bon. Salut, tu vas pas parler avec nous. Ça a joué Cara Stade à la Saint-Jean Grèce. Ok. Je sais pas. Ok. Et là, Manchester City, les champions d'Europe qui ont gagné la Ligue des Champions vont affronter Séville. Ce soir à 21h. Qui ça? Manchester City, Séville. Ah oui, bon match. Anglais, espagnol. Super, merci Jason pour nous amener ce panorama de football féminine et masculin. Voilà, et Vincent, à toi. Oui, c'est-à-dire à moi. Vas-y, chante, improvise un truc. Ah non, non, je peux pas chanter. Tu sens pas la force là? Je suis pas dans les temps, en plus ça me saoule. Là je vais travailler avec des gens intéressants et en fait je suis pas dans les temps, donc ils me prennent pas en fait quoi. J'arrive pas à être dans la musique en fait, quand je rappe. Ton propre tempo à toi, hein? Non, non, c'est pas vrai. Non, non, laisse tomber. Ah, il a des beaux trucs, hein? Il est fatigué, là, hein? Ouais, on est tous un peu oui, côté. D'habitude, il est. Mois d'août. On jouait. Ouais, mais on est tous un peu en mode. Mode mois d'août, quoi. Hein? J'ai l'impression, hein? Au moins, moi, je suis un peu fatigué aussi. Mais. Tu voulais dire quelque chose, Stéphane? Tu voulais apporter à ton grand. De sable. Est-ce qu'on peut écouter Vincent Black sur YouTube? Non. Ça passe où ta musique, c'est pas? Bon, pendant qu'on cherche, on mettrait Fallout Sanders, Prince of Peace. You pray, I plead. Ring your bells of peace. Let loving never cease. Prince of peace, won't you hear, I plead. Ring your bells of peace. Let loving never cease. Oh, my Lord, yeah, yeah, oh, my Lord, yeah, yeah, oh, my Lord, yeah, yeah, yeah, oh, my Lord, oh, my Lord, yeah. Prince of Peace, won't you hear our pleas? Ring your bells of peace, let loving never cease. Prince of Peace, won't you hear our pleas? Ring your bells of peace, let loving never cease. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. You hear our pleas, ring your bells of peace, let loving never cease. Oh my Lord, hey, hey, oh my Lord, hey, hey, oh my Lord, hey, hey, oh my Lord. si ça continue le football à côté. Pourquoi Alexis Sanchez il est parti de l'Olympique de Marseille? Alexis Sanchez. Pas renouvelé à l'Olympique de Marseille. Ça a l'air plus conséquent. Je vous l'apprends, ça a l'air. Ce mercredi, l'OM a été éliminé de la Ligue des Champions, ce qui risque d'avoir des conséquences. Et comme ils pouvaient pas gagner les filles, sur son mercato et son décrassage. Dans le même temps, à Paris, le cas Mbappé met toujours le feu. Allô? Qu'est-ce qui se passe ici? Vente de cigarettes? Non. Micro. On parlait tout à l'heure des addictions, là, c'est ça, hein? Oui. Vas-y, continue. Bon, c'est pas grave, tu reviens. Je dis bonjour, voilà. Ah, bon. Rebonjour, je suis Rola. Voilà. C'est Alberton. Donc, le prix de la cigarette, franchement, ça a augmenté. Mais moi, je pense que c'est pour payer les chimiothérapies après. Oui, tu sais qu'il y a certaines entreprises de cigarettes qui doivent payer. Ils sont perdus de litiges contre les gens. Tu vois, qu'ils ont eu le cancer après. Et ils payent pour les chimiothérapies, c'est pour ça que les cigarettes deviennent de plus en plus chères. C'est ce que je pense, personnellement. Eh oui. Qu'est-ce que tu penses, Vincent Black? Je sais pas, je suis en train d'arrêter de fumer la clope, là. J'en fume deux par jour, maintenant. Attends, tu sais ce qu'il faut que tu essayes? Essaye les chewing-gums à la nicotine. De 4 mg, les chewing-gums. Les chewing-gums à la nicotine. Faut que tu essayes les chewing-gums à la nicotine. Non, j'arrive comme ça. Ou soit les patchs aussi, les patchs, ça marche très bien. Micro. Tiens, donne-le un micro. Voilà, cool, merci. Ou sinon, au pire, tu prends une petite puff. Ça dure une dizaine de jours. C'est pas mal. Une quoi? Une puff. Tu le mets dans le... Ah oui, ça. C'est ça. Ouais. Ça dure assez longtemps, ça dépend combien tu fumes. 2 mg, ça peut monter jusqu'à 5 mg. Ouais, ça dépend si t'es un gros fumeur. C'est ça. À la place de la cigarette, en plus, ça détruit moins les poumons vu qu'il y a moins de goudron. Il y a moins de goudron qui passe au sang. Et tu la recharges avec le port USB-C. Moi, par exemple, ça ne me gêne pas de faire du sport et de fumer. Par contre, si je fumerais la cigarette, ça me gênerait énormément. Ouais. Parce que j'aurais plus de force dans les poumons, mes muscles seraient à sec. Oui. Non, mais moi, depuis que j'ai fumé ça, ça fait depuis le début de l'année, c'est mieux. Ah oui? Mais avant, j'ai jamais fumé auparavant. Mais au niveau de la respiration, ça se passe comment? Ça va? Tes poumons, ils vont mieux? Ouais, ils vont mieux, ouais. D'accord. Mais j'ai jamais fumé, hein. Ça fait depuis le mois de janvier que j'ai fumé ça. Ah, avant, je fumais que des cigarettes. D'accord. Et le prix, c'est combien? Ça, c'est, je l'ai payé 25€, c'est une 12 000. 12 000, moi, j'en ai une à 10 000, je l'ai payé 20€. Ça revient à un paquet de cigarettes quand même. Ouais, hein. C'est ça. Ça dure 10 jours. Hein. Mmh. En vrai de vrai, ça revient à la même chose. Ici, ça continue à fond le football là. 3-2 Brest. 3-2 Brest, Lens. Carton rouge pour Lens. Monaco qui a gagné à Clermont 4-2. Et c'est tout. 2-2. Rennes 5. Rennes sont premiers avec 5 buts. Rennes est premier au classement. Ils sont devenus accros au football. On parlait des addictions. Ici, on a des addicts au football. C'est ça. On peut addict au soleil, addict au mariage, addict aux chevaux roux. Addict à la religion aussi. Addict à la radio. Addict à la réalité. La réalité, c'est vrai. Moi, je pense que la réalité, c'est la pire des drogues. Le présent aussi, le présent ouais, et le futur. On est trop addict à la réalité, quoi. Ça fait plein de choses, puis on n'est pas d'accord des fois. Mais l'addiction que tout le monde a aujourd'hui, c'est l'addiction au téléphone. Elle est très très grave, je trouve. Ah oui, ça c'est très grave. Très grave. On reste ensemble, mais on est sur le téléphone. Tout le monde est avec le téléphone en ce moment. Les petits, ils ont des iPhones avant d'entrer au collège. C'est grave. Tout le monde a un téléphone et tout en ce moment. Ils ont des iPhones. Ça c'est pas normal. Tout le monde a un téléphone en ce moment et tout, ça commence à me casser la tête un peu dans les transports en commun. Les gens, ils sont toute la journée avec leur téléphone. Tout le monde. Ça m'énerve, même les trottinettes électriques, c'est invivable. La dernière fois, failli me ramasser une trottinette trois fois dans la même journée. C'est n'importe quoi, c'est du jamais vu. Moi, je suis en train de passer mon permis. J'ai à peine sorti la voiture. Il y avait une trottinette électrique direct devant moi. J'allais l'écraser. C'est ça, très grave. À peine je commence à conduire direct, trottinette électrique en face de moi. Je dis non, c'est pas possible. Non, mais les trottinettes, c'est impressionnant. Surtout dans les transports en commun, ils ont la tête dans le téléphone comme ça. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ouais, mais c'est comme ça, la vie. Qu'est-ce que tu penses, Jason, de tout ça? Ah, c'est un peu saoulant des fois. Quand ils sont au téléphone avec leur AirPod. Voilà. Non, le pire, c'est quand tu es en famille et que tout le monde est sur son téléphone. Je trouve ça très. Surtout quand les transports blindés sont tous avec leur portable. Et ça, ça m'énerve. Des fois, je leur dis aux gens, lâchez votre téléphone. Je leur prends comme ça. Lâchez votre téléphone. Le téléphone, c'est pas une obligatoire. C'est toujours pour regarder des TikTok, des Snapchat. Moi, par exemple, pour téléphoner. Par exemple, des fois, je prends le tram ou le métro à 5h30 du matin, il n'y a personne. Tu reviens 3-4 heures après, il y a l'Allemand, ils sont tous avec leur téléphone. Moi, par exemple, j'ai pas installé TikTok, j'ai désinstallé Snap, j'ai désinstallé Instagram. On peut parler que par téléphone avec moi. J'ai Snap, mais j'y vais que pour voir des messages. Mais sinon, TikTok, j'ai jamais touché. Franchement, c'est très addictif. Et puis, ils mettent ce qu'ils veulent que tu regardes. Tu regardes pas ce que tu veux. Et tu regardes ce qu'eux, ils veulent que tu regardes. Tu vois ? Et c'est n'importe quoi, c'est de la manipulation aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Fatoumata ? Tiens, prends le micro à côté, qui est à côté de toi. De quoi ? De l'addiction, de tout, de ce qu'on parlait tout à l'heure, de téléphone portable. Parce qu'en fait, c'est vrai, on dit les enfants sont addicts aux écrans, mais c'est nous, hein, c'est tout le monde. Hein. On est tous devant l'écran, mais même l'ordi, là, devant l'écran, on est passé d'être en face de l'autre à être en face d'un écran. On s'envoie des messages. On s'envoie des messages alors qu'on est là, à côté de l'autre. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Là, il y a notre chroniqueur... De la gastrosophie qui va prendre la parole. Oh là là. Voilà, déjà, comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gastrosophie ? Prends le micro là, Pedro. La gastrosophie est une science, est une philosophie, est une esthétique. C'est un terme proposé par un philosophe français qui s'appelle Charles Fourier, né en 1772 en France. Donc c'est un vieux mot. Et moi, j'ai cherché la signification du mot gastrosophie aujourd'hui par l'intelligence artificielle, par ChatGPT. Et figurez-vous que j'ai trouvé. Donc la gastrosophie vit, elle est toujours actuelle. C'est-à-dire, la gastrosophie, si je peux me permettre de lire quelque chose très très rapidement, c'est une citation fictive de ChatGPT, d'un philosophe imaginaire, qui dit la chose suivante. Je crois fermement que la gastrosophie peut transformer notre relation à la nourriture, c'est-à-dire de penser ce qu'on met à l'intérieur, ce qu'on mange. Vous voyez ce que ça nous fait, les influences qu'on a de la société. Et le souci qu'on a du corps, la connaissance de la relation entre les produits qu'on ingurgite, qu'on mange, et les effets que ces produits font sur notre corps. Vous voyez ? Et puis, il continue, c'est très court comme phrase. Donc, il peut transformer notre relation avec la nourriture en faisant évoluer notre perception du goût et en approfondissant notre compréhension des plaisirs culinaires. La gastrosophie, donc, est destinée aux mangeurs, aux gourmands, aux gourmets, aux cuisiniers, aux parents et aux jeunes qui veulent être forts et en bonne santé. Il y a certaines personnes qui sont ectomes. Il y a certaines personnes qui ont une morphologie qui font qu'ils grossissent vite en mangeant peu, et d'autres en mangeant beaucoup, mais qui ne grossissent pas. Je pense que ça c'est très compliqué pour ChatGPT, ça, parce qu'on n'a pas tous le même métabolisme. Oui, mais à ce moment-là, il faut que cette personne consulte un gastrosophe. Ou un diététicien. Ah, mais la gastrosophie, elle a une composante, disons, philosophique, esthétique que le diététicien n'a pas. C'est-à-dire, la gastrosophie peut se permettre de parler de plaisir. Autrement dit, si je cite un exemple banal et comme ça ordinaire, un grec, c'est un bon objet gastrosophique parce que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Ça augmente le taux de dopamine dans le cerveau. Voilà. Ah bon ? Bah, bien sûr. Si vous le dites. Bien sûr, ça, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé, enfin tout ce qui est orange, bah ça, tout ce qui, enfin la couleur orange, ça nous attire. Le poulet, vous voyez. Et dès qu'on mange, bah on a de la dopamine dans le cerveau. Ah, donc il y a une relation entre la gastrosophie et la dopamine. Bien sûr, c'est une grosse relation. C'est pour ça que certaines personnes grossissent beaucoup et certaines pas. Mais comme je vous ai dit, ça dépend du métabolisme de la personne. Ça dépend du métabolisme. Donc il faut associer gastrosophie et diététique. Exactement. Je pense que c'est ça. Et quelle est votre idée sur la gastrosophie, cher camarade ? Est-ce que vous aimez la bonne bouffe, autrement dit ? Oui, beaucoup. Moi, je mange tout. Il n'y a pas de problème. Ah bon ? Ouais. Donc, demain, chez Chou, Bruxelles. Non, on va pas ça. Non, moi, par exemple, quand je fais du sport, bah, je mange de tout, je m'en fous. Même si la viande, elle n'est pas bonne, même si les légumes, c'est pas bon, je mange quand même parce que je veux avoir un corps sain et j'aime bien avoir le corps sculpté, vous voyez. Okay. C'est en mangeant sainement qu'on devient sain, on va dire, en quelque sorte. Donc votre philosophie est une philosophie de la santé. Oui, pas forcément. Pas forcément, pas uniquement. Parce que le sport aussi, ça devient une addiction après. Ah. Trop de sport, ça tue. Ah. Ah oui, un muscle, ça se fatigue aussi. Oui. Hein, et puis il a une vie. Hein. C'est vrai. D'accord. Très bien. Pour moi, tout est bon. Steve, un avis sur la gastrosophie ? Moi, c'est plutôt la restauration rapide. Rapide ? Tout ce qui est grec, McDo. Uber Eats, ça, c'est grave. Uber Eats, c'est trop rapide. T'as de la bouffe, t'as un fast-food chez toi en 15 minutes à peine. Oui, mais on peut être livré rapidement et manger lentement. La fast-food, c'est une façon d'être livré, mais pas une façon de manger. Non. On peut prendre son temps et manger frites par frites, hein, en prenant un oasis. Hein. C'est-à-dire, on commande vite, on est servi vite et on prend son temps. Ça, c'est un principe gastrosophique. Parce que la gastrosophie, elle dit, bah, il faut quand même trouver du plaisir à manger. Après, bien, la raison qui dit, bah, il faut bien manger. Ouais, mais c'est pas trop cher la restauration rapide. C'est pas trop cher. Bah, ça, c'est un critère. Bah, quand tu vas au McDo, tu veux prendre un menu, c'est 11 balles. Tu vas dans un restaurant, c'est quoi, 25 Oui, mais si je vais à ma boulangerie, c'est 4,50€ le sandwich, ouais, je préfère. Il y a trois fois rien. Ils vont te mettre une demi-baguette avec trois feuilles de salade et un peu de mayo, 4,50€. Ouais, et c'est mieux que le McDo, il y a plus Bien sûr. Ah bon? Je ne le savais pas. Moi, je préfère payer 70€ dans un beau restaurant, bien profiter de la nourriture. Je pense que ça c'est incroyable, ça. Quand la viande, elle est bien faite, au feu de bois, avec les frites à côté, vous voyez ce que je veux dire ? Que d'accord. Tout soit fait maison. Des frites fait maison. Ouais, ça c'est super bon, mais tu manges tout doucement, tu savoures, tu vois. On savoure, avec une sauce. Exactement, avec la sauce. La sauce, c'est le pompon de la gastrosophie. Avec un peu de salade. Ah oui. Quand on met de la sauce. Un peu de salade, oui, hein, pour la marche. Bonne conscience. Disons, hein, hein. Et est-ce que vous avez des bonnes adresses dans le coin pour manger de la viande au feu de bois ? Ou des légumes au feu de bois, nous l'oublions pas, les légumes pour la bonne conscience au feu de bois. Un restaurant turc. Ah. À pavillon sous bois. Ah. C'est un très très bon restaurant. J'ai oublié son nom, mais c'est là-bas où j'ai mangé la viande. C'est ça. La viande, elle fondait dans la bouche, tellement elle était bonne. Je connais un Turc à Pavillon sous bois qui prépare ses broches de grec. Les broches de kebab. C'est bon. C'est les broches magnifique. De quoi, de kebab? Les broches de kebab. Donc choisissons la bonne bouffe. Exactement. Prenons du plaisir. Moi, je préfère payer cher, mais au moins je mange bien. C'est vrai que je savoure la viande, je savoure tout. Mais en même temps, c'est une culture parce que si on mange comme un enfant, on mange plus sucré. On n'aime pas la mer. Les choses amères, on n'aime pas quand on est petit. Mmh. Et les goûts bizarres, on n'aime pas. Alors que quand on grandit, on mange de la truffe. Hein? Hein? Oui, c'est vrai. Tu connais la truffe ? Non, pas du ah, tout. Ah, c'est bon. C'est pas un chocolat, hein. C'est le champignon, là. Mais il y a des cochons à truffe ou des chiens à truffe. Oui, des cochons et des chiens qui... qui les sentent. Vous voyez, ce sont des gastrosophes en puissance. Ah ouais, c'est... Parce qu'ils ont le nez. Ah, c'est une intelligence supérieure. Hein, ah, c'est des gens qui connaissent. Mais ils n'en profitent pas, les pauvres. Hein. Mais ils savent sentir ce qui est bon. D'accord. Alors, au-delà du grec, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le McDo. McDo. Burger King. Burger King. KFC. KFC. Flunch. Non, Flunch, c'est... pour moi, c'est comme un restaurant. Ah, c'est comme un restaurant. Pour moi. Il y a trop de légumes dedans, non? Non, tu peux prendre ça à volonté. Ah. Comme le wok? Ouais, c'est ça à peu près. D'accord. Ah. Aussi, t'as les restaurants chinois aussi, j'aime bien. Ah, le chinois. Qu'est-ce que tu aimes au chinois, chez le chinois? Bah, si ça... Les nems. Si ça à volonté, moi, je prends tout. Tout. Bah, ça coûte cher à volonté. Même les assiettes. Non, je prends tout. Je peux prendre des nems, des raviolis... Grillades, les grillades, crevettes, des champignons. Non, pas de champignons. J'aime pas ça. Non, c'est trop bon les champignons. La salade. Il y a pas. Moi, je prends pas de salade. Moi, quand j'ai dans. Ah. Dès que j'arrive dans un restaurant chinois, à volonté, c'est moi le premier. J'ai même pas le temps de m'installer. C'est moi chaud direct. Le premier à se servir. Ouais. Et le dernier en quoi? Moi, je m'arrête pas. Ah, ok. Je peux aller tu t'arrêtes pas. Combien de temps tu peux passer à manger dans un restaurant? Quand ça à volonté? Ouais. Peut-être une heure, à peu près une heure. Ah, je pensais que c'était plus. Donc, c'est un courant de la gastrosophie épicurienne. Ouais. Le plaisir. C'est épicurien, c'est celui qui valorise beaucoup le plaisir, disons, hein, pour rester un peu débutant. Profiter du moment. Voilà, profiter du moment. Le moment présent. Moment présent. Et les choses de d'ici et maintenant. D'accord. Concrètes. Vous pouvez répéter le mot? Épicurien, ça vient d'un philosophe épicurien, romain qui s'appelle Épicure. Épicurien, d'accord. En général, le comparer à tout à l'heure, tu disais stoïcien. On disait les stoïciens et l'épicurien. Ah, un peu, okay. Un peu la contravalence. Un épicurien, c'est un dur à cuire. On m'a traité de stoïcien tout à l'heure. Ah, ok. C'est un sévère. Ouais. C'est un résistant. Oui. Il n'entre pas de balle. Hein ? Cuir dur. Oh, on va dire ça comme ça. La peau épaisse. Un mammouth. Non, pas forcément. Non, pardon. Pas forcément. Pachyderme. Non. Non, on va pas abuser. Non. Rhinocéros, plutôt. Ouais, rhinocéros. C'est ça, stoïcisme. C'est mon animal fétiche. Dis ça, tu vois pas. Moi, mon animal fétiche, c'est le tigre sibérien. Ah, blanc. Non, c'est le tigre qui pèse 300 kilos. Oui, c'est le plus grand félin de la planète. Ah. C'est mon homme fétiche aussi. Enfin, mon animal fétiche. Donc, soyons tous gastrosophes, c'est-à-dire ayons tous une réflexion sur ce qu'on mange. Épicurien surtout. Épicurien aussi, parce qu'il faut prendre du plaisir. T'as enregistré? Le message est passé. Merci. Là, je vais mettre une musique. Qu'est-ce que tu veux dire de la bouffe? Non. Merci Pedro. Pendant que Jason cherche sa musique, la chronique gastrosophique est passée. On va mettre la musique d'un ancien membre de la radio, Nasreddin, là, qui vient de publier un nouveau morceau sur SoundCloud. Puisqu'ils n'ont pas de nouvelles, on va écouter sa musique. Maastricht. Les gars, c'est Maastricht. Les gars, c'est Maastricht. C'est Maastricht. Au bac arable, sonou à fond, j'arpente Paris comme tous les samedis soirs, mode photographe pour les events, des mots de break ou bien battle sympathique, un verre de mojito et c'est parti, c'est Maastricht, c'est Maastricht, baby. Du galion à Bondy, je représente le hip-hop comme si c'était Paris et Magic. Mon style est californien, ma technique est américaine, mon travail latin. Ça m'a retardé, vous m'avez vu vous manquer. et les proches qui passent à côté. Donc tout fort à tous, un grand pouce à vous. Même franchement, il fait affronter les défauts. Manque de patience, de persévérance face à mes points faibles qui sont mes défauts. Je dédicace ce son pour tous les big boys et tous les big girls qui sont présents cet art de séduction tout autour du globe. Le Battle of the Lyre à Libéo de Rotterdam, c'est toute une génération qui fait vivre cet art. Peace. Oui, oui, on est Radio Metanoia. Pour Fanata, tu veux faire un peu de matou Fanata, je mélange tout le temps. La vie me mène loin dans un délire de tête. Tu veux nous faire un petit solo de musique là? Tout le monde fait tout et n'importe quoi. Super, ça nous fait toujours la musique, Matou Fata, je mélange tout le temps ton nom. Voilà, et là, Jason, il va nous faire un lifestyle, on va nous faire un karaoké en direct, là. Jason, il change sa casquette des chroniqueurs de sport à chanteur de rap. Voilà. Tu es prêt? Tiens, on y va. Non, j'attends. Je mets avec mon téléphone alors. Donc, c'est une première. C'est ça? Donc c'est un suspense généralisé. Attends, on va arriver. Il y a une attente anxieuse sur la présentation de ce nouvel artiste qui a un nom d'artiste ou pas? Derrière. Tiens. Jason B. Voilà une porte devant moi. Elle me bloque. Avec vous, Jason B. T'inquiète pas que je l'ai pas, tu mets la troisième. Cette fois-ci, c'est pas celle-là. Accroche ta ceinture car ça frappe pas dans la dentelle. Ah, je me suis trompé, je fous le bordel en speed, je passe les 15, on se croirait dans un game. Dans des locances, je fous en transe. Sur l'autoroute, c'est 400 chevaux qui te mettent mettre l'ambiance. Comment on speed? Jason B, il fait durer le suspense. Tu peux y aller à ton début? I don't know if I'm getting too long. I don't know if I'm getting too long. I can't see a team on this, the team on that, the team on that, the team on that, the team on that, the team on that, the team on that, the team on that, the team on that, the team on that. Yes, I'm not changing. Fully rehabilitated, I fell back and regret as a motherfucker run tell that. I'm the one that jammed too long. I'm the one that jammed too long. Take me to the super land, I jump to the true. Make me sorry for reason, take me to the super. I'm not really too long. I don't really know if it's too long. I can't. Yeah, it's too young, bitch. Yeah, it's too young, no. It's too young, no. Jason. Allemand. Allemand ou anglais, ou les deux. Les deux. Ok. Alors, il nous reste 7 minutes. Radio Metanoia. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Vous. Un message pour la planète. Non. Pas trop. Moi, je veux la paix dans le monde. La fin de la guerre en Ukraine. La fin de la guerre en Palestine et l'Israël. Moi, je veux la paix dans le monde, moi. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose d'autre? Moi, non, pas. Non. Moi, je veux la paix. Foutez-nous la paix, s'il vous plaît, monsieur le président. Ah oui. Foutez-nous la paix. Inflation, prix de l'essence. Inflation, prix de l'essence. La vie, elle est venue trop chère maintenant, la vie. Trop chère. Alors, pour le gratuit, pour la gratuité, qu'est-ce qui est gratuit qui est bon? Bah, les dons alimentaires, c'est gratuit. L'amitié. C'est ce que je voulais dire, les émotions, l'affection à se donner entre chacun. Ouais. Ne plus mentir, se comporter bien avec les gens autour de soi. Donc, c'est gratuit et ça vaut rien. Beaucoup. Ça vaut rien en argent et ça vaut beaucoup, en humanité. C'est ce qu'on appelle les valeurs. Quelles sont vos valeurs, mon ami? T'as pas de valeur. Matufada. Qu'est-ce que pour toi de l'importance? Moi? Oui. Pour moi, il n'y a rien d'important ici. Pour moi, c'est le courage et l'ambition. Courage et l'ambition. Qu'est-ce qui est important? L'important, c'est l'amitié et la confiance. L'amitié et la confiance. Ouais. Jason, c'est quoi l'important pour toi dans la vie? L'important, c'est pour travailler. Les filles. L'important, c'est pour travailler. Passe pas au microphone. Travail. Oui, vas-y. Oui, mon important, c'est travailler. Je veux travailler. Tu veux travailler? Oui. Est-ce que tu arrives à obtenir ce qui est important pour toi? Oui. Oui, donc tu travailles un peu? Non, je travaille pas. J'ai fait le ménage, c'est tout. D'accord. Tu veux quoi comme travail? Je veux travailler dans les magasins. Faire dans les magasins. Mise en rayon, tout ça. C'est bien, c'est important. Oui. C'est important de continuer. D'accord. C'est important de ne pas décourager. Il faut faire un bac de vendeur, un bac de vendeuse. C'est ce qu'il te faudrait. Oui. C'est chaud. Jason, qu'est-ce qui est important? Ne ratez pas surtout la... Match pour la troisième place de la Coupe du Monde. Samedi à 10h. Voilà, c'est le chroniqueur football a repris sa place. Entre qui et qui? Suède, Australie et pour la médaille de bronze. Et la finale dimanche sur France 2 à 11h50. Voilà, donc tu vas voyager là en Nouvelle-Zélande? Tu prends le Concorde, tu prends quoi comme avion que tu voyages tellement vite? Et est-ce qu'on peut avoir un pronostic sur qui on met un billet là? L'Australie gagner L'Australie va gagner. La troisième place. Contre La Suède. La Suède. Et je vois les prolongations. Et pour les championnats, pour les championnes Pour la finale. Oui. L'Espagne va gagner. Viva Espagne. Viva Espagne. Viva Espagne. La Roja. La Roja. Il y en a marre des Anglaises. Elles ont déjà gagné. Eh oui. Championne d'Europe, les Anglaises. Donc elles sont pas là par hasard. Elles connaissent leur métier. Elles ont gagné en l'année dernière l'Euro. Ah, elles ont gagné l'Euro. Oui, championne d'Europe. Elles sont fortes alors. Oui. Donc le centre du monde du football féminin, c'est l'Europe. Et c'est la première fois pour l'Espagne qui dispute une finale historique. Finale historique. Mais l'Espagne a déjà été chez les mâles. Ils ont gagné une fois. La Ligue des Nations. Ils ont gagné aussi la Coupe du Monde. Oui, en 2010. 2010. Quelle culture, ce garçon. Eh oui, chronique de... Est-ce qu'on a des noms des joueuses qui ressortent comme ça du lot Qu'on commence avec la Cristiano Ronaldo du football féminin. Il y a Esther González. Esther González. C'est une joueuse à surveiller pour la finale. C'est un nom à retenir. Retenez ce nom, mes amis. Esther González. Numéro 9 de l'Espagne, qui a déjà marqué 3 buts dans la Coupe du Monde. Oui. Excellent. Il y a autre chose, Jason, non? Donc, tu peux nous redire l'heure des matchs? Samedi 10h, match pour la 3e place. Et dimanche? Et dimanche, finale à 11h50 sur France 2. Sur France 2, merci beaucoup. Et donc, rate pas ton avion, hein, à quelle heure tu prends l'avion? La cérémonie de clôture avant, avant de commencer la finale. Et tu as une passe journaliste pour rentrer à la finale? Non. Ah non? Bah on va se débrouiller pour t'en avoir. Hein. On va finir avec une nouvelle chanson de Trop Speed de notre ami Nas Rodine. Qui j'aime bien sa musique, on t'embrasse où tu sois et on t'attend à la radio. Calculé, je t'ai déjà laissé derrière, je ne reste pas, j'enclenche la deuxième. Pote séquentielle, j'arrive sur le périph', c'est toujours dans la ruelle. Voilà une Porsche devant moi, elle me bloque. Va de gauche, va de droite, t'inquiète pas que je les patte. Je mets la troisième, cette fois-ci elle va être belle. Accroche ta ceinture car ça frappe pas dans la dentelle. Je prends les bretelles, je fous le bordel. En speed, je passe les caisses, on se croirait dans un game. Dans des locances, je fous en transe. Sur l'autoroute, c'est 400 chevaux qui devaient mettre l'ambiance. Trop speed, trop fast, trop de classe. C'est pas l'homme qui fait le bowling, mais c'est pilote qui le quitte. Trop speed, ça se passe comme ma. C'est pas la caisse qui va me faire perdre ma première place. Trop speed, trop fast, trop de classe. C'est pas l'homme qui fait le bowling, mais c'est pilote qui le quitte. Trop speed, ça se passe comme ma. C'est pas la caisse qui va me faire perdre ma première place. Rouge, je la sens pas, je m'arrête ou je m'arrête pas. Sérieux, je la sens pas, je m'arrête ou je m'arrête pas. Je vais trop vite, je m'arrête ou je m'arrête pas. Oh, trop tard, étalon noir, couleur Lucifer. Okay. T'inquiète pas que sur le beat, j'arrive à manier le fer. Je m'en sers vert, quatrième au caissagère. C'est là go. Que mon regard s'arrête au rétroviseur. Les flics se ramènent, ils montent dans le viseur. C'est très bien qu'il y a un truc qui va leur mettre fureur. Les voilà, ils me collent au cul. Vas-y, l'agent va t'acheter une conduite au Super U. Moi je connais les rues par cœur, tu connais la suite. C'est la fuite, pas de featuring. Juste un solo sur le ring. Besoin de personne, juste ma conduite et mon bolide. Tout ce que je veux, c'est une montée d'adrénaline. Trop speed, trop fast, trop de classe. C'est pas l'homme qui fait bowling, mais c'est plus l'un qui le guide. Trop speed, ça se passe comme ma. C'est pas la caisse qui va me faire perdre ma première place. Trop speed, il est 18h. Grave Metanoia, vous y êtes. À la semaine prochaine. Ça se passe comme ma. C'est pas la caisse qui va me faire perdre ma première place. Voilà. Merci beaucoup.